Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Blanche-Neige et les sept nains. Il était une fois un royaume heureux, gouverné par un roi courageux et une reine d'une grande bonté. Un jour d'hiver, en cousant, la reine se piqua le doigt et une goutte de sang tomba sur son ouvrage. « Oh !» se dit-elle en rêvant, « comme j'aimerais avoir un enfant, une petite fille. Ses cheveux seraient noirs comme l'ébène, sa peau blanche comme la neige et ses lèvres rouges comme le sang. » Moins d'un an plus tard, la reine mit au monde un beau bébé, une petite fille aux cheveux noirs comme l'ébène, à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, quelques jours plus tard, la reine mourut. Après de longs mois de deuil, le roi décida de se remarier pour donner une maman à Blanche-Neige. Il choisit la plus belle dame du pays, ignorant qu'elle était aussi la plus cruelle. La nouvelle reine ne supportait pas l'idée qu'une autre femme puisse être plus belle qu'elle. Elle possédait un miroir magique auquel elle demandait chaque matin. « Miroir, miroir magique !» « Dis-moi qui est la plus belle du pays !» Invariablement, le miroir répondait « C'est toi, ma reine adorée. De tout le pays, tu es la plus belle !» Les années passèrent et Blanche-Neige grandit en âge, en sagesse et en beauté, tant et si bien qu'un jour, le miroir répondit à la reine « Tu es très très belle, ô ma reine, mais il existe une jeune fille mille et mille fois plus belle que toi !» C'est Blanche-Neige, la fille de ton mari, le roi. Folle de rage, la reine décida de supprimer sa rivale. Elle fit appeler son garde-chasse et lui ordonna de conduire Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. « Tu me rapporteras son cœur et son foie comme preuve de sa mort, » commanda-t-elle. « Va, garde, et fais vite, sinon c'est toi qui mourras. » La mort dans l'âme, le garde-chasse emmena Blanche-Neige dans la forêt. Heureuse de cette promenade inattendue, Blanche-Neige souriait aux oiseaux, parlait aux écureuils et chantait avec les ruisseaux. Elle était si belle et si gentille que le garde-chasse n'eut pas le cœur de la tuer. Il lui expliqua la sombre mission dont il était chargé. Il lui conseilla de s'enfuir loin, très loin du palais. Sur le chemin du retour, il tua un faon et apporta son cœur et son foie à la reine. La pauvre Blanche-Neige erra longtemps dans la forêt. Elle avait mal aux pieds, elle avait faim, elle avait froid. Quand tout à coup, elle aperçut une étrange petite maisonnette. Elle frappa à la porte. Et comme personne ne répondit, elle entra par la petite porte. La table était dressée pour le repas. C'était une toute petite table avec sept petites assiettes, sept petits verres et de minuscules couverts. Blanche-Neige mangea un peu de pain et prit une bouchée dans chaque assiette. Dans la pièce voisine, elle découvrit sept petits lits. Fatiguée, elle se coucha sur l'un d'eux et s'endormit. Une heure plus tard, les propriétaires de la maison rentrèrent en chantonnant. C'était sept nains qui travaillaient dans la montagne, dans les mines de diamants. Ils remarquèrent immédiatement que quelqu'un avait touché leur dîner. qui s'est assis sur ma chaise ? Dit le premier. Et le second ? Qui a mangé dans mon assiette ? Oh, on a mordu dans mon pain ! S'écria le troisième. Et le quatrième ? Achou ! Qui a déplié ma serviette ? Et le cinquième ? Mais qui a mangé avec ma fourchette ? Et le sixième ? Oh, qui a sali mon couteau ? Et le septième ? Oh, qui a bu dans ma tasse ? Oh, regardez quelle jolie jeune fille est couchée dans un de nos petits lits ! Chuchotèrent-ils en chœur en entrant dans la chambre. Qu'allons-nous faire maintenant ? Les chuchotements des nains réveillèrent Blanche-Neige. Comment t'appelles-tu ? Lui demanda le premier. Et le second. Et d'où viens-tu ? Et le troisième. Tchou, pourquoi es-tu venu dans notre petite maison ? Ne craignez rien, répondit-elle en souriant. Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis la fille du roi. Et je suis entrée parce que je ne savais pas où passer la nuit. Oh, mais si tu es la fille du roi, pourquoi ne retournes-tu pas au château ? Rétorqua un des nains méfiants. À ces mots, Blanche-Neige éclata en sanglots et leur raconta sa triste histoire. Les nains furent scandalisés par la méchanceté de la reine. Reste avec nous ! S'écria le premier. Ah oui ! Dit le second. Et pendant notre absence, tu surveilleras la maison. Peut-être pourrais-tu préparer nos repas, hein ? Demanda le troisième en se léchant les doigts. Et nous tenir compagnie ? Ajouta le quatrième. Et le cinquième. Tu seras heureuse avec nous. Nous sommes parfois un peu grincheux, mais nous t'aimerons beaucoup, tu verras, oui, oui. Et le sixième. Tu peux nous faire confiance. Nous sommes petits, mais nous saurons veiller sur toi. Et il faudra te méfier de la reine et ne laisser entrer personne dans la maison. Conseilla le septième nain qui était très prudent. Blanche-Neige accepta la proposition des nains avec reconnaissance. Pendant ce temps-là, au palais, la reine se frottait les mains, persuadée d'être de nouveau la plus belle. Mais, un matin, son miroir l'avertit. Fais attention, ma reine. Ici, au château, tu es la plus belle. Mais ta rivale se cache au fond de la forêt. Blanche-Neige, qui vit maintenant avec les sept nains, est mille et mille fois plus belle que toi. Comprenant que son garde-chasse l'avait trahie, la reine décida d'agir elle-même. Elle se déguisa en paysanne et partit dans la montagne. Arrivée chez les sept nains, elle attendit qu'ils partent travailler, puis se mit à crier. « Joli ruban, je vends de beaux rubans !» Oubliant le conseil du nain, Blanche-Neige la fit entrer dans la maison sans la reconnaître. « Regarde quel beau ruban, mon enfant !» dit la reine. « J'en ai un qui t'ira parfaitement !» Et hop, elle le noua si vite et si fort autour de la taille de Blanche-Neige qu'elle lui coupa la respiration. Aussitôt son forfait accompli, la reine s'enfuit. Blanche-Neige resta sans connaissance jusqu'au retour des nains. Quand ils virent le ruban serré autour de sa taille, les nains le coupèrent aussitôt et elle recommença lentement à respirer. Hélas, pendant ce temps-là, la méchante reine rentrée au château questionnait son miroir. En apprenant que Blanche-Neige était encore en vie, il lui vint une idée encore plus cruelle. Elle prépara un peigne empoisonné, se déguisa en mendiante et retourna à la maison des sept nains. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Je suis une pauvre mendiante qui n'a rien mangé depuis 3 jours. N'écoutant que son bon cœur, Blanche-Neige la fit entrer pour lui donner à manger. Elle lui proposa même de rester un moment pour se reposer, mais la mendiante refusa. Je dois partir, dit-elle. Mais voici un cadeau. Tu as été si gentille que je tiens à t'offrir ce peigne. Regarde comme il est beau. Approche, ma fille, que je puisse le mettre dans tes cheveux. Blanche-Neige baissa la tête et la mendiante le planta de toutes ses forces dans ses cheveux. Ce soir-là, lorsque les nains rentrèrent, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, évanouie. Ils retirèrent le peigne à temps pour la sauver, mais une fois de plus, la reine fut prévenue par son miroir que Blanche-Neige était toujours en vie. Maintenant, retourne la cassette. Je la tuerai ! Hurla-t-elle en se précipitant dans la cave du château. Toute la nuit, elle fit cuire en secret une soupe de grosses mouches vertes, de têtes de serpents et d'araignées velues. Quand le poison fut prêt, elle choisit une belle pomme rouge d'un côté et verte de l'autre et trempa le côté rouge dans le poison, puis se déguisa en marchand des quatre saisons et repartit dans la montagne. Cette fois, le poison était si puissant qu'elle était certaine de réussir. Arrivée près de la maison des nains, elle cria « Qui veut des pommes? Qui veut mes belles pommes rouges et vertes ?» Blanche-Neige ouvrit la fenêtre et lui dit que les nains lui avaient interdit de sortir. « Ça ne fait rien, ma belle, » dit la reine. « Goûte une de mes pommes, tu verras comme elles sont bonnes. D'ailleurs, pour toi, ce sera gratuit. »« Grand merci, » répondit Blanche-Neige. « Mais je ne peux rien accepter de personne. Mes amis les nains me l'ont interdit. » « Voyons, une pomme n'a jamais fait de mal. Tu crois qu'elle est empoisonnée? Regarde, je vais en manger une moitié. » La reine croqua dans la partie verte, puis présenta la partie rouge à Blanche-Neige. « Sens son parfum, goûte comme elle est sucrée. » « Une pomme ne peut pas me faire de mal, » pensa Blanche-Neige en prenant le fruit. Or, à peine l'eut-elle croquée, qu'elle tomba inanimée. Cette fois, les nains ne travailleront pas, s'écria la reine en riant aux éclats. Effectivement, quand elle rentra au palais, son miroir lui confirma qu'elle était la plus belle. Les nains trouvèrent Blanche-Neige endormie, pâle comme la mort. Ils cherchèrent un ruban, un peigne ou une trace de blessure, mais ne trouvèrent rien. Impossible de la réveiller. Ils la portèrent sur un des petits lits et pleurèrent pendant 3 jours et 3 nuits. Le 4e jour, ils décidèrent de l'enterrer dans un cercueil en bois clouté de diamants. Puis, en la voyant si belle, avec sa peau blanche comme neige et ses cheveux noirs comme l'ébène, ils changèrent d'avis et fabriquèrent un cercueil en verre complètement transparent. Blanche-Neige ne respirait pas. Pourtant, son teint restait frais, comme si elle était vivante. Les nains portèrent le cercueil sur le versant de la montagne où les oiseaux avaient l'habitude de se rassembler pour chanter. « Oh, on dirait qu'elle dort !» dit le premier. « Nous ne pouvons pas l'enterrer !» s'écria le deuxième en pleurant. Et le troisième. « Déposons le cercueil dans l'herbe et chacun à notre tour, chaque soir, nous viendrons la veiller. » Le temps passa et les nains tinrent leur promesse. Chaque nuit, l'un d'eux venait veiller Blanche-Neige. Un matin de printemps, un charmant prince qui passait par là découvrit avec stupéfaction le cercueil de verre. Au premier regard, il tomba amoureux de la belle jeune fille endormie et resta des heures et des heures agenouillé devant le cercueil, sans pouvoir se résoudre à partir. Le nain qui était de garde ce soir-là lui raconta l'histoire de Blanche-Neige, fille de roi, empoisonnée par une reine méchante et cruelle. Laissez-moi emporter son cercueil jusqu'au palais de mon père, supplia le prince. Je ne peux plus vivre sans elle. Je la protégerai et l'aimerai toujours comme si elle était vivante. Devant un tel amour, les nains acceptèrent. Ils soulevèrent le cercueil et le portèrent en cortège à travers la forêt, suivis par tous les oiseaux. Mais voilà que, dans la pénombre, un des nains trébucha sur une racine, perdit l'équilibre et lâcha le cercueil qui tomba. Le verre vola en éclats. Patatras ! Au même moment, Blanche-Neige ouvrit les yeux. « Où suis-je ? » demanda-t-elle étonnée. Le prince charmant lui prit la main et y posa un baiser. « Ne t'inquiète pas, » lui dit-il. « Tu as dormi longtemps, si longtemps qu'on te croyait morte. Oh, douce Blanche-Neige, je t'aime depuis que je t'ai vue dans ton cercueil en verre. Acceptes-tu de m'épouser ?» « Le mariage de Blanche-Neige et du prince charmant fut magnifique. Devant le palais, tous les oiseaux du pays chantaient. Les écureuils et les lapins dansèrent un ballet. La méchante reine avait été invitée, mais quand elle découvrit que la mariée, si belle, n'était autre que Blanche-Neige, elle se mit à hoqueter et tomba raide morte dans les bras du jardinier. Le médecin de la cour ne put que constater que c'est la jalousie qui l'avait étouffée. Quant à Blanche-Neige et au prince charmant, ils vécurent heureux, longtemps, et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du magicien d'Oz.